Moi, Jean-Pave Gambardini, avant, j'étais le plus grand des super méchants de la télévision française. Oh. Moi, moche et pas gentil, le nouveau film événement qui raconte l'échec et la chute du plus grand méchant de la télévision. D'un simple clic sur mon site internet jeanpavegambardini.com, je pouvais détruire la carrière de n'importe quel animateur télé instantanément. Pour m'assister, j'avais toute une équipe de mignons autour de moi. J'étais tellement heureux de les retrouver le soir après une journée harassante de destruction de carrière pour me soulager. Frotti-frotta ? Oh oui, merci Kevin. Plus bas. Oui, plus bas. Non, encore plus bas. Galou ? Ils étaient tellement mignons que j'ai eu l'idée de faire une web-série sur eux où on les voyait jouer au foot et dans les vestiaires aussi, sous la douche. Y'a la toupicali ! Attention ! Allez Kevin, caresse un peu Stuart. Tu ne veux pas enlever ton slip ? Galou ? Regarde, moi aussi je l'enlève. Moi, moche et pas gentil, l'histoire d'un méchant tellement pas gentil qu'il a fini par tout perdre. Et puis un jour, un de mes mignons est allé voir un méchant encore plus méchant, le juge. Bibi, tripota la banane. Oh. Et j'ai perdu toutes mes émissions de télévision. Moi, moche et pas gentil, un film qui finit mal, un film France Inter. Bye bye, cochonou.